Radio Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture. C'était Lepros avec ce From the Flame extrait de cet album Malina qui était sorti en 2000. Oh là là, ça c'est les studios de Radio Duo. Voilà, oui. Donc je le disais, on a l'album de Lepros Malina avec ce From the Flame par cet excellent groupe de progressifs norvégiens. Voilà, on va débuter avec une nouveauté, il s'agira de The Black Crowes avec ce Happiness Bastards généreusement apporté par Jacques de Pop Dreams, dont on va envoyer tout de suite Rats and Clowns pour ce groupe de classic rock américain qu'on n'avait pas vu depuis bien une quinzaine d'années en studio. Et ça fait plaisir de les entendre toujours aussi en forme. Excellent que c'est Black Crowes avec ce dernier album Happiness Bastards sorti au mois d'avril. On devrait en repasser un petit peu dans les prochaines émissions. Voilà, du côté de la Suède, on a le groupe Nestor. Pour les amateurs de AOR Hard FM, ils devraient sortir leur dernier album au courant du mois de mai, dont on passe un premier extrait ici. Il s'agira de Caroline par ce groupe Nestor. Excellent si vous appréciez tout ce qui est un petit peu sucré. Hearts, two worlds apart. vraiment excellent que ce Caroline par le groupe Nestor. C'est extrait de l'album Teenage Rebel qui devrait voir le jour le 31 mai prochain. On va rester dans ce style-là avec Wild Street qui nous offre une version peut-être un poil plus, on va dire, hard et heavy de ce style assez mélodique. Ce sera un Wild Street 4 pour cette EP, 7 titres avec Sick to Death qu'on envoie tout de suite, et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. With the words that you said, I can't get you out of my head. I'm sick to death of calling you a blinded bad thing. Got nothing but hate. I'm sick to death of calling you. We'll be right back. Voilà pour Wild Street avec Sick to Death. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo et il est 21h passé de 52 minutes. On continue maintenant avec le Blue Oyster Cult qui nous a sorti cet album Ghost Stories sur le label Frontiers Records au cours du mois d'avril. Il s'agit plutôt d'anciens morceaux qui a été composé à la fin des années 70, un petit peu lors de la période Fire of Unknown Origins, qui ont été ensuite republiés ces dernières années. Donc The Simple Remains, le dernier album en date du groupe américain, reste très très très bon, donc ça fait encore une fois plaisir à entendre. Mais ici on va se replacer un petit titre nouveau qu'on va envoyer tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec ce So Supernatural qu'on écoute tout de suite dans Overdrive. Ce sera le Blue Oyster Cult. Felt the energy. Yes, vous venez d'entendre le groupe The Hell Hectic Devils avec cet album Devil's Playground qui verra le jour la semaine prochaine, le 10 mai, sur Brennus Music. Et c'était le morceau Tower of Terror. Tout de suite, on va continuer maintenant dans le français avec Bad Situation qui nous sort son premier album éponyme. Il s'agit là d'un duo mené par Aziz Bento qu'on connaît également sur la chaîne YouTube Dealer de Metal qui fait un petit peu une rétrospective de certains groupes, etc. et de l'actualité du metal. Il est accompagné sur ce projet du batteur Lucas Pelletier et il propose un rock metal alternatif qu'on pourrait voir proche de groupes comme Alter Bridge ou même les Foo Fighters. Et on va s'évoyer tout de suite un morceau extrait de ce bon premier album qui sent la fraîcheur et qui demande à être vu sur scène puisque le groupe, même s'ils sont que deux, dégage une grosse énergie. On envoie ça tout de suite, extrait de cet album par le groupe Bad Situation. I can be exposed to my shame. It's cause you're mad. I need a native beats that work in the city. Painting steel or bronze sculptures. People come to find refuge. But I suffer when none hit that. Give emotions or leave their eyes open. It is also a good place to meet people to see long time friends. And who knows, maybe to find love. Always good memories. Throughout the week, joy is in the mix. We go out to dance and sing until the last day when comes out the light. The fairy will blow out at the stroke of midnight. And we enjoy that buzz, drink beer and some wine. Vous venez d'entendre le groupe Riffless, extrait de ce 4 titres Ghost is a Woman, et ce titre I Won't Start the Fight. Et avant ça, on avait 51 et ce Love Hate avec ce morceau Stroke of Midnight sur Overdrive Radio Duo. Voilà donc du, on va dire, hard rock assez traditionnel avec ces deux groupes sortis sur MNO Music. On va continuer maintenant avec le groupe Freedom Call. Freedom Call qui nous reviennent sur SPV Records, le label allemand, et ce Silver Romance tout de suite qu'on va débuter dans quelques instants avec Symphony of Avalon pour les amateurs de speed mélodique, comme ça se faisait bien au, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000. Symphony of Avalon, c'est par le groupe Freedom Call, et on va envoyer ça. On va envoyer ça tout de suite. We everything is black. Deep down below, a blackened heart is beating in my core. Everything is black, a painful flow, like tears are crashing down on. Yes, vous venez d'entendre enchaîner à Freedom Call avec Symphony of Avalon le morceau Everything is Black par le groupe Dimitri, extrait de cet album Five Angry Men, sorti sur AFM Records. Et on continue dans du happy metal avec le groupe Korpiklaani, les Finlandais de Korpiklaani, qui nous reviennent avec cet album Ranka Kampung Rumkupu, sorti sur Nuclear Blast. Et on envoie tout de suite le morceau qui s'appelle Aita. Tout de suite, Korpiklaani. Yeah, Yes, Corpi Clani avec son dernier album paru sur Nuclear Blast et ce sera ce Aïta sorti sur l'album Ranka Rumpu. On continue avec les Suisses et maintenant une vieillerie, mais ça reste de l'excellente qualité. Sorti en 1989, l'album No More Colors du trio suisse Coroner avec bien entendu Marky Marky à la guitare. Timothy T. Baron à la batterie et basse et chant, interprété bien entendu par le bassiste Royce. On s'envoie ça tout de suite. Bien sûr, la production est d'époque. On a ici affaire à un groupe de trash qui avait toujours des idées originales. On les a vus encore une fois en concert sur des festivals ces dernières années pour d'excellentes prestations. Et on attend vraiment leur retour, on va dire, discographique de pied ferme. Pour l'heure, ce sera un extrait de cet album No More Colors, paru en 1989, avec ce morceau Read My Scars. Yeah. Yes, Coroner Read My Scars avec cet album No More Colors. On continue maintenant avec une version un petit peu plus moderne de ce style de metal. Ce sera Allegion qui nous sort ce morceau sur Metal Blade, Iridescent. Là aussi, grosse prod, ça va, un morceau assez court et incisif. Maintenant paru sur Source Atone Records, Dragging Bodies to the Fall, c'est du post-hardcore avec le groupe Junon qu'on écoute tout de suite et ce morceau, Caught in Hypocrisy Loops. Your behind's up enough. avec ce moment de douleur. C'était Vesperine, extrait de cet album Perpétuel. Et tant qu'il y a de l'espoir. Tout de suite sur Overdrive. Radio Duo, il est temps de revenir au patron du death metal avec le groupe Deicide qui nous reviennent avec leur dernier album en date. Ça s'appelle Banished by Sin. Ça voit le jour sur Raining Fire Music. Et on s'en va tout de suite. C'est le morceau Seaver the Tongue. Voilà, vous venez d'entendre Deicide avec ce Seaver the Tongue extrait de cet album Banished by Sin. Cette semaine, on a eu la chance de voir le concert de Behemoth Philharmonie de Paris en exclusivité sur Arte Concert, rediffusé en direct. Donc c'est quand même en soi une certaine forme d'achèvement et d'événement pour le, à la fois pour le métal en France et puis pour le groupe Behemoth qui fêtait ses 33 ans de carrière justement pour cette occasion. Et on a eu là un excellent concert, donc on va ressortir ce live In Absentia Dei qu'ils avaient réalisé pendant le confinement. Il s'agit peut-être du meilleur live qui a été fait pendant tous ces streamings qui étaient un petit peu tous plus tristounets les uns que les autres. Là on a une excellente production et ça fait plaisir à voir. Du coup j'ai décidé de ressortir cet extrait de Télémachus. Il me semble, ce sera Chain for Eschaton 200 EV, et ce sera un excellent live. Si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir sur Arte Concert. Un événement en soi. Beam off. In the name of Satan, ruler of earth, king of earth, the chief serf, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Save us, Lord Satan, from the treacherous environment. Oh, Satan, spirit of the earth, god of liberty, open wide the gates of hell and come forth from the abyss by these names. Satan! Yeah! Drive, c'est terminé pour ce soir. On va se quitter au son de Marty Friedman et de son Tokyo Jukebox No. 2. Il devrait sortir son dernier album Drama très prochainement. Pour l'heure, on se quitte sur ce superbe mélodie de guitare. On rappelle le www.radiodio.org et le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud également. Et je vous dis la semaine prochaine. On rappelle demain soir du côté de la Mursure à Zergue, nous avons le Dark Medieval Fest. Vous avez envie de faire un petit tour dans un concert pagan metal avec une influence un peu viking, ça devrait être assez sympa. Sans dragon, on est sur l'affiche, on est assez proche. Voilà, on donne les antennes. Merci, ciao, bye bye.